du vieux bonhomme Duvalier. Puis alors là, ils vont faire des hôtels de luxe, puis des bordels de luxe, vois-tu. Alors, les Canadiens français, ça nous manquait d'avoir des esclaves. Bon, on va en avoir, grâce aux Vachon, puis à d'autres médecins, à d'autres Canadiens français catholiques qui vont aller exploiter les Haïtiens. Ben non, s'ils étaient un peu plus socialistes, ça serait un peu mieux, je veux dire. Ils pourraient régler leurs problèmes de logement un peu mieux qu'ils aient réglé là, je veux dire. Mais quand on parle de niveau de vie dans les termes capitalistes où on les connaît, ben c'est là qu'il y a le plus de sécurité sociale, c'est là qu'il y a un meilleur niveau de vie. Ça fait longtemps qu'ils font le recyclage des travailleurs. Il y a une espèce de consensus entre les syndicats et le patronat pour voir à ce qu'il n'y ait pas trop de pertes de temps dans les industries, puis ainsi de suite. Bien, c'est drôle, mon petit frère, parce que les Suédois, ils ont à peu près le tiers des forêts du Québec. Puis ils récoltent trois fois plus de bois que nous autres. Oui, bien, tu dis, ça marche mal en Suède, je veux dire. Si ça marche mal en Suède, ça marche mal en maudit ici. Puis le contreplaqué suédois, il nous rebondit sur le terrain ici, je veux dire. Puis les forêts en Suède sont encore la propriété privée. Ah, c'est de bouillir pour les chats, ça. Dire qu'il n'y a plus de suicides en Suède, veut dire, c'est qu'eux autres, ils comptent, nous autres, on ne compte pas. Non, mais la motivation, ça, c'est une autre affaire. En tout cas, moi, je ne suis pas sociologue, je ne peux pas te parler de ça, je veux dire. Puis la motivation, je ne pense pas que c'est les intérêts matériels qui soient la motivation. On a eu la preuve chez la jeunesse du monde entier. Puis la révolte des jeunes a commencé avec les fils des gars les plus riches des États-Unis puis les plus puissants. Ça a commencé à Harvard. C'est allé à Berkeley, puis ça s'est répandu partout. C'était pareil au Japon, puis c'était pareil en Allemagne de l'Ouest, puis c'était pareil en Pologne, puis c'était pareil en France, puis c'était pareil ici. C'est quoi la motivation des jeunes aujourd'hui? C'est de faire une pièce. Ça me paraît pas ça du tout, moi. Moi, j'ai eu 7 enfants, puis il n'y en a pas un qui parle de devenir riche. Peut-être qu'ils sont cinglés, peut-être, je sais pas, moi, mais ils me parlent pas de devenir riche, je veux dire. Puis ils parlent pas d'avoir le char de l'année non plus. Oui. Well, you can have it different way. Gandhi used to say that the people who are doing the dirty work should have the best salaries because there is no compensation in their work. And the fellow, well, you're talking about whether everybody should have the same salary. I mean, it's irrelevant. I mean, it's not a problem for me. I need less money today because my wife is working for the last 3 years. Before that, for 30 years, she did not work. She stayed at home to raise the children. And I had only my salary. Now we have 2 salaries, so we have enough. We have more than enough. I don't think that the wages are the only motivation for human beings. I think that there are people who are working very hard because they like their work, even if it's not social work. And some others are working very hard for lower wages because they like it and because they think it's useful for society. I don't believe that the only and the first motivation for the human beings, even in North America and in Montreal, is wages. No, I know, but this is what I'm saying to you. Yes. Yes. Should be what? More or less. But even then, I mean, you should have wages that could keep you living within the standard of living of this society. Because even if you earn more than a fellow in Algeria, the standard of living here is different than in Algeria. And the price of foods and heating and so on and so forth is different. So those comparison of wages, it's according to the standard of living of the country where you are. Like in Chile, you may say that the wages were not very high, but their standard of living and their habit were different than the one we have here. Any citizens? Well, the society is for the citizens. I don't quite get your question. Yeah. Well, it depends. If it's necessary for his job, I mean, those who are working at James Bay, of course, they need planes. Those who are traveling from Montreal to Quebec, the bus is just as fast as the plane. It's 2.5 hours from Montreal to Quebec, station to station. Ah, but no, from Vancouver you need it. All the MPs from the West should have passes on plane if we believe in democracy. But I told you before, no government in Canada believe in democracy because when I was in the CCF, all those who were from the West, they were not able to see their people for the 9 months of the session. Unless they would afford to pay the plane themselves. Which was very unfair for them. The MPs who were living around Ottawa, it was easy for those in Montreal or even Ontario, Toronto, it was easy to go in their ridings. But as far as those who were living in the maritime provinces or in the west there, it was almost impossible. And there was a plane service in this country. Although when the CP was asked to organize the air service in Canada in 1937, they said it was not a business proposition. So it is the Canadian government who organized it. And then Diefenbaker gave it to the CP, Montreal, Vancouver, and then the Asia Pac. And in all the newspapers of this country, there was headlines, the monopoly has been broken. The corporation belonged to the people. And the private enterprise were satisfied and glad that it was broken. And then they gave the good lines to the CP, which is an American controlled company. Now at the CNTU, since the people, right-wingers are gone, a lot of them anyhow, it is openly for socialism and for the independence of Quebec. En relation avec les travailleurs, vous voulez dire? Ah ben là, ce qu'on essaye d'organiser, c'est d'abord ce qu'on appelle des cours parce qu'on n'a pas d'autres mots, mais des réunions avec les travailleurs pour apprendre différentes affaires, les lois sociales, la politique, le marxisme, le capitalisme, comment marcher son syndicat, la législation ouvrière, comment faire des griefs. Il y en a à peu près au Conseil central actuellement 250 qui suivent des cours comme ça pendant des séries de 10 ou 15 semaines. Puis il y en a d'autres qui vont recommencer encore au mois de février après les fêtes. Plus les délégués de département qui se réunissent pour bâtir l'épine dorsale dans un syndicat. Dans ceux qui ne sont pas syndiqués, quel syndicat vous êtes pour la prochaine année ou les deux prochaines années? Bien, à vrai dire, nous autres à Montréal, on n'en vise pas des non-syndiqués. Parce qu'on se dit qu'il faut bâtir des structures, pas des structures matérielles, mais il faut bâtir des structures de la classe ouvrière. Le mouvement syndical, c'est pas le mouvement ouvrier, puis c'est pas la classe ouvrière, c'est une partie. Seulement, c'est une partie qui était un peu comme une communauté religieuse dans l'ancien Québec. C'était une affaire stable, le mouvement syndical. Ça se remplace tout le temps, puis c'est un peu d'argent. Alors, ce qu'on essaie de faire pour les travailleurs qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas de convention collective, c'est d'abord d'essayer d'avoir une législation qui va leur permettre d'exercer leur droit d'association, parce que là, ça n'existe pas. Chaque fois que des gars essayent de s'organiser, s'ils ne sont pas assez forts, ils se font faucher, je veux dire, puis ils perdent leur job. Alors, il faut les avertir qu'ils vont perdre leur job s'ils veulent s'organiser. Puis là, on essaye de se battre avec eux autres, puis on a des secours de grève, puis ainsi de suite. Ça, c'est une des tâches qu'on fait. Après ça, on essaye d'influencer la législation sociale, je veux dire. Plus essayer d'aider les chômeurs. Par exemple, on a tout un service qui travaille à journée longue avec 5, 6, 7 personnes juste à Montréal, ça, pour aider les chômeurs. Parce que la loi de l'assurance chômage est pas mauvaise en soi, je veux dire, mais l'application qu'il y a en face, c'est très, très, très restrictif. Je veux dire, ils vont dire à un gars de 55 ans, comment est-ce que vous êtes allé voir pour des emplois? Combien d'employeurs vous avez vu cette semaine? Le gars va dire, je ne l'ai pas vu, non, je l'ai vu la semaine dernière, puis ils ne veulent pas m'engager nulle part à 55 ans. Ah, vous n'avez pas assez cherché. Out you go. Et puis, ils trouvent toutes sortes de prétextes comme ça. Alors là, on essaie d'organiser les travailleurs pour qu'ils se défendent parce que c'est l'interprétation de la loi est très compliquée. Je veux dire, c'est pas fait pour les travailleurs. Les accidents de travail, c'est pareil. Moi, j'ai vu des veuves qui, après quatre mois, attendaient encore l'assurance de leur mari, je veux dire. Puis le gars, il avait son certificat de décès, il était mort sur un chantier de construction, il y avait des témoins, il y avait eu l'enquête du coroner, tout le bordel, mais à Québec, il n'était pas pressé pour lui envoyer son chèque. Alors ça, c'est des affaires quotidiennes qu'on fait, je veux dire. Ce qu'on veut faire surtout, c'est de bâtir une conscience de classe puis avoir de la maturité politique pour que les travailleurs syndiqués dans leur quartier travaillent avec les gens qui s'occupent des locataires. Tout le mouvement des locataires, on l'a commencé au Conseil central. On a engagé un gars, deux gars. On a repris toute la législation municipale, provinciale, le Code civil, plus la législation de la Commission du logement, là. Et puis, on fait travailler les avocats là-dedans, puis avec les cas qu'on avait, puis là, on commençait à se battre. Je veux dire, il y a des groupes de citoyens qui ont battu le roi ultra, je veux dire, puis ils ont dit, notre argent, on la dépose à la cour, puis toi, tu vas faire le ménage, puis tu vas changer ça. Puis il y avait des articles de loi pour s'appuyer là-dessus. Aujourd'hui, il y a peut-être une centaine d'associations de locataires comme ça. Alors ça, on trouve que c'est la démocratie. Les gens qui assument des responsabilités à leur niveau. Les consommateurs, on n'est pas organisé, on se fait fourrer, c'est quelque chose d'épeurant, je veux dire, comme on se fait voler. Alors, il y a deux coopérés à Montréal qui font à peu près 15 millions d'affaires par année, dans l'Est, dans Rosemont, là, sur le boulevard Saint-Joseph et sa rue Lejambe. Ça veut dire que tout alentour de ces deux coopérés-là, tous les prix de Standard, Dominion, AP et IGA sont obligés de s'en venir au niveau de la coopérative. On en voudra d'autres, mais c'est compliqué, je veux dire. Les Canadiens français qui administrent les milliards des caisses populaires, ils ont une mentalité capitaliste, je veux dire. Alors, ils sont allés bâtir des édifices puis un hôtel devant la place des Arts au lieu de bâtir des magasins pour l'alimentation. Puis là, après ça, on pourra travailler avec les cultivateurs puis acheter les produits au bon prix. Puis là, bien, il saura qu'il y a de l'avenir pour eux autres. Mais c'est compliqué, je veux dire. Alors, on essaie de bâtir une conscience de classe, puis une conscience politique, je veux dire, puis ils regardent ce qui se passe dans les différents domaines, comme les gars de la pulpe et du papier qui se font barouetter, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est payant, du papier. Puis il y a du bargaining power avec le papier. Quand les Québécois ne veulent pas faire de papier, le New York Times, le Chicago Tribune, puis une couple de journaux aux États-Unis qui ne publient pas, je veux dire. Comment qu'il serait après faire des forêts dans le sud des États-Unis, là, puis que ça prendrait 20 ans de moins pour faire des conifères par là, mais ça prend trois de ces conifères-là pour faire un conifère de la Basse-Côte-Nord. Alors, c'est ça. D'autres questions, monsieur? À peu près 300 000 dans Québec, puis à partir d'ingénieurs en descendant par toutes sortes de diplômes. Bilingue, à bord de ça. Mais tu ne vas pas blâmer les gars. Ben oui, ben il n'y en a pas de place pour les jeunes travailleurs sur le marché, c'est aussi simple que ça. Les industries ferment constamment, mon petit frère. Tu as des adultes qui chôment après 15 ans puis 20 ans. C'est là qu'on voit que ce n'est pas organisé. Comme je disais tantôt, c'est le seul pays au monde où à peu près 45 % des chômeurs ont moins de 25 ans puis ils sont instruits. Quand j'ai dit en Égypte, moi, qu'il y avait des gars avec des diplômes qui chômaient, l'Égypte, c'est un pays de 34 millions puis il y a 60 % d'analphabètes. Quand tu lui dis ils ont des diplômes, ils sont bilingues, puis ils chôment. Ils te regardent, puis on va l'air à te croire. Des gars qui viennent des avionneries, des gars qui viennent des chantiers maritimes, des gars qui viennent des usines pétrochimiques, des gars qui viennent de n'importe quelle usine. Non, là, la technique aussi avancée que n'importe où dans le monde. C'est des filiales des États-Unis. Avant, ils disaient, vous chômez parce que vous êtes Canadien-Français, vous êtes catholique, puis vous êtes ignorant. Là, on a des diplômes, on est bilingue, puis on n'est plus catholique, puis on chôme pareil. Regarde l'Irlandais, c'est content, là. Mais c'est-tu ça? Ben non, c'est pas ça. C'est-tu assez fort, ça? Quel âge que t'as, toi? 20 ans, 18 ans? Ben, t'imagines. Puis tu m'as l'air en bonne santé, t'es à ta grosseur ou à peu près. Puis il n'y a pas d'ouvrage pour toi. Alors, c'est ça. Il n'y a rien à bâtir dans ce pays-ci. Ça va? Pas un capitaliste qui investisse, c'est le peuple. Mais c'est justement C'est de la bullshit, ça, nous faire croire que c'est les capitalistes qui investissent. La question, là, c'est de savoir des cas spécifiques, par exemple, que tu pourrais connaître, tu pourrais peut-être nous en parler. On entend toujours parler un petit peu dans les journaux des fameux octrois du gouvernement. Marchand qui a donné un chèque de 6 millions à IBM, le gérant général qui est là dans le canton de l'Est. Là. Il était gêné, il n'a jamais vu ça dans aucun pays. Du cold cash qui vient de la poche des contribuables, mon cher. Allez donner ça à IBM, c'est la compagnie la plus puissante au monde, elle peut paralyser n'importe quel pays. Quand les IBM arrêtent en France, là, hein, le pays est paralysé. De Gaulle, il a fait une crise quand Bull était vendu à Westinghouse. Puis quand IBM a mis la main dessus, c'est là qu'il a fait une crise. Là. Il avait peur, le petit garçon. C'est aperçu qu'il était plus maître chez eux. Tu paralyses un pays quand les IBM ne marchent pas ici. On leur a donné 6 millions. À Johns Manville, ils ont donné de, je ne sais pas combien, quelques millions à l'aluminium du Canada. Monsieur Marchand, tu sais, Duplessis, il donnait des bouts de route, puis il faisait une petite affaire, 100 000, 200 000, puis des petites bineries de campagne. Puis les gars disaient, c'est effrayant, ils pavent des devants d'église, puis ah, c'est un patronage, j'ai honte. Puis ils donnaient des petites fioles à des gars à commission des liqueurs, il y en avait à peu près 2 000 qui étaient sur le payroll, à 2 000 piastres par année. Alors ça faisait 2 000 à 2 000 piastres, ça faisait quoi, 400 000 piastres? C'était pas un drame, dire, ça faisait nourrir du monde, au lieu d'assurance chômage, c'était des fioles pour les patronner, puis tout ça. Mais l'autre monsieur qui arrivait et qui sortait des chèques cash, tu comprends, les gars, il était quasiment gêné. En tout cas, le gars d'IBM, là, dans le canton de l'Est, il était gêné. Ça, je l'ai su, lui, qui était gêné pour vrai. J'ai jamais vu ça, mon affaire. Ils ne font pas ça dans n'importe quel pays au monde, donner de l'argent cash demain, monsieur, ça se voit pas. Tu as des avantages économiques, des affaires sur le transport, des déductions de taxes comme il y en a, puis comme ils s'en font à bord de ça. Il faut connaître les inspecteurs de l'impôt. Les inspecteurs de taxes de vente du fédéral puis du provincial, là, on saura que c'est que les compagnies payent, je veux dire. Puis combien est-ce qu'ils sauvent? Des millions, puis ainsi de suite. La PEG, là, c'est pas Cotroni, la PEG. C'est une petite affaire, ça, Cotroni. C'est une petite affaire, ça. Domtar, là, Consolidated Batters, puis Canada Packers, ça, c'est crissement pire que Cotroni, ça. Cotroni, c'était un enfant de cœur à côté de ça. Il a des petites chandelles, lui. Il n'y a pas un Serge Pascal, inquiète-toi pas. Serge Pascal, ça, c'est une grosse compagnie, ça. C'est ça. Bon. Ben, je vous remercie, vous avez été bien patient. Pas d'autres questions? Alors, c'est bien important que les gens qui ont plus de responsabilités dans la société aient assez de sens démocratique pour se réunir avec les autres. Si les ingénieurs au gouvernement n'étaient pas syndiqués, puis si les ingénieurs à la ville n'étaient pas syndiqués, on se ferait voler des centaines de millions de plus par année. Parce que n'importe quel petit politicien pourrait les faire signer n'importe quoi. Là, à cette heure, ils disent, ça, je suis d'accord, ben non, ça, c'est pas d'accord. Il y en a encore qui marchent pour des fioles. Tous ceux qui se cachent avec drapeau pour les Jeux olympiques, là, dont on ne sait pas ce qui se passe dans ce patrimoine-là, là, des Jeux olympiques, là, ils nous disent comme si on était des pauvres caves que ça ne nous coûtera rien. Excepté qu'il y a 300 millions qui vont venir de quelque part, parce que c'est une autre tranche de 200 millions. L'expo de 67, ça nous coûte encore 10-12 millions par année, mais en principe, ça ne coûte rien. Alors, c'est pour ça que c'est important que ceux qui ont des fonctions importantes dans la société aient des syndicats, puis des syndicats très, très, très vigilants. Puis ça, ça nous sauve beaucoup d'argent, ça. À ce moment-là, leur salaire, c'est pas cher parce que ça empêche les entrepreneurs de nous voler. Puis les entrepreneurs ne sont pas gênés pour voler, eux autres, parce qu'ils sont au pouvoir. À 102. Merci.